J'imagine être un jeune étranger, être à jeun depuis 2-3 jours et devoir choisir entre agir étranger sans être rageux quand d'autres gens te rejettent. Attendre un autre jour, attendre l'autre jour. Après t'iras parler des nôtres aux gens. En attendant, aujourd'hui c'est notre tour. Aujourd'hui c'est notre tour. Y'avait trop d'orgueil dans les regards des types. Trop les beaux trips, trop de critiques à mon égard. Je les décortique et m'égare. On me regarde, garder le cap, dégrader le rap, des gros handicap. Je suis pas sûr que l'ego trempe et que les mecs des égos trippent. J'ai peut-être pas rappé ou très peu, mais je traquerai pas si je détripe. Et je te réponds que tu te trompes. On tripe, on trempe nos plumes dans nos tripes. Et notre rap est trop grave, ça trappe, ça frappe sec. À force d'encaisser les coups, on finit par comprendre, maîtriser l'art de les rendre. Et je ne parle pas d'apprendre à se battre, mais à se défendre. Ne vaut mourir que de se rendre. On ne peut pas attendre l'autre joue, attendre de se prendre un autre coup. À force d'encaisser les coups, on finit par comprendre et maîtriser l'art de les rendre. Et je ne parle pas d'apprendre à se battre, mais à se défendre. Ne vaut mourir que de se rendre. On ne peut pas attendre l'autre joue, attendre de se prendre un autre coup. Le combat continue, s'intensifie. Je pars à l'assaut du micro, démystifie les faux, se justifie. Je rectifie le tir, m'appuie sur mes zincs. Si tout se règle à coups de flingue, bang, on est tous dingues. Garde tes picous, tes seringues, je suis immunisé. Civilisé, trop souvent discrédité. Je reste intègre, grave. Je sais que ça peut vite prendre une tournure grave. Fous ça, rien à battre. Depuis petit, je ne fais que me battre. Aujourd'hui, je suis l'homme à abattre. Profite de ce sursis, un sursaut d'orgueil. Y'a pas de drap, je suis même pas sûr d'avoir un cercueil. Et puis je me postiche dans un rat pour tuer le temps. Tuer le temps, j'aiguise mon regard indifférent. C'est toujours pas lire l'avenir dans un marc de café. Je prends mon mal en patience, je continue à taffer. On me reconnaît à la richesse de mon phrasé. Aux feuilles que je noircis comme un champion de mon croisé. Je fais ce que je veux pour les thunes, je m'efforce de rester clean. Les mêmes ampoules de crack, on piétine de Barbès à Brooklyn. De la haute rapologie et des moches phases. Et encore plus de clous dans mes bouteilles de gaz. Le rap mon obsession, j'ai de bonnes connexions. Jamais dans la tendance, mais toujours dans la bonne direction. À force d'encaisser les coups, on finit par comprendre, de maîtriser l'art de les rendre. Et je ne parle pas d'apprendre à se battre, mais à se défendre. Ne vaut mourir que de se rendre. On ne peut pas attendre l'autre joue, attendre de se prendre un autre coup. À force d'encaisser les coups, on finit par comprendre, de maîtriser l'art de les rendre. Et je ne parle pas d'apprendre à se battre, mais à se défendre. Ne vaut mourir que de se rendre. On ne peut pas attendre l'autre joue, attendre de se prendre un autre coup. Pour le bouillon.